Sur la Terre, il y a des personnes vraiment exceptionnelles, que des mots ne suffisent pas pour traduire leur image. Je dédie ce poème à la femme haïtienne. Oh, femme haïtienne, tu es sans pareil. De ce parterre, tu représentes la rose la plus vermeille. Il y en a de toutes les couleurs pour satisfaire les goûts les plus amers. Noir, brune, grimelle, mulâtresse, un kaléidoscope. Pour en choisir, on a besoin d'un microscope. Tu as un admirable sourire qui nous fait tous courir. De par ta démarche légère et cadencée, comme un ouragan, nous te suivons dans ta lancée. Sous les mystères de tes caresses, tu nous rends fous d'ivresse. Tu es l'amour personnifié, nul ne peut le nier. Au boulot, tu es la plus travailleuse. Jour et nuit, tu es toujours en veilleuse. Que ce soit pour guérir une plaie ou pour faire la paix, tu es rempli de patience. En dépit de toutes tes souffrances, tu crois dans la délivrance. Tu penses que viendra le jour heureux qui rendra le monde bienheureux. Ta beauté, ta vertu, tout s'harmonise pour te faire trôner, te camper et te rendre la plus aimée. Je t'adore.